Bien, si vous voulez bien, on va reprendre. Dans la première partie du cours, donc... Est-ce que ça va... Vous préférez avec le micro ou sans ? Avec ? Ok. Dans la première partie du cours, Nadège Brousseau vous a mis en perspective les différentes techniques d'analyse de contenu qui existent. Une petite perspective historique aussi sur cette méthode de recherche particulière. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment focaliser sur ce qu'on appelle l'analyse de contenu thématique catégorielle, qui est un type bien précis d'analyse de contenu et qui est vraiment le type d'analyse de contenu qu'on va pratiquer dans les ateliers samedi, pas samedi prochain, mais le samedi qui suit. Donc vraiment soyez attentifs parce que ce sera vraiment cette méthode-là qu'on va pratiquer concrètement ensemble dans les ateliers. Alors c'est une analyse de contenu qui s'inscrit vraiment dans la perspective de Berolson, qui a été en passant mentionné par Nadège tout à l'heure, hein, Berolson qui était un chercheur des années 50, et qui nous dit que l'analyse de contenu est une méthode qui se veut objective. On va travailler sur des contenus objectifs et pas sur des subjectivités. On ne va pas essayer de sonder ce que les gens pensent, ce que les gens comprennent, la motivation des gens. Non, on va s'attacher à des contenus objectifs et on va le faire de la manière la plus systématiquement possible. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura un corpus qu'on aura déterminé, que ce soit un corpus d'articles, un corpus de photos, un corpus de chansons, un corpus de films, peu importe, une fois que ce corpus est déterminé, on ne peut pas dire en cours d'analyse « Cet article-ci ne convient pas à ma grille d'analyse, je le mets de côté. Ce film-ci ne convient pas, je le mets de côté. » Non, une fois qu'on aura déterminé un corpus, et on va voir comment établir ce corpus dans quelques minutes, l'analyse doit être absolument systématique et doit être faite de la même manière pour tous les éléments du corpus. Donc, objectif, systématique et quantitatif. En tout cas, on doit aboutir à une description quantitative. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne va analyser que des variables quantitatives. On peut, par une analyse de contenu, et ça a déjà été un peu souligné tout à l'heure, analyser des variables qualitatives. Mais on va arriver en fin de processus à une description qui sera quantitative. Je vais vous donner un exemple concret. Et un peu vécu. Ce n'est pas une recherche qui mène à une publication, mais je crois qu'elle peut être parlante. La semaine passée, certains d'entre vous le savent bien parce qu'ils étaient présents aussi, il y avait le festival du film fantastique, voilà, notamment. Et j'étais, je suis un amateur de films de genre, j'étais là quelques fois, et même pendant les films, je ne peux pas m'empêcher de penser au cours sur l'analyse de contenu, et une chose qui m'a vraiment frappé, c'est pas vrai, j'ai pensé après, mais enfin, j'aime bien après les films lire les petits comptes rendus faits par la presse online, par les différents types de revues culturelles en ligne, et je suis toujours assez frappé de ce qui fait qu'un amateur de films fantastiques apprécie ou n'apprécie pas un film. Eh bien, on pourrait très bien imaginer une recherche basée là-dessus, où on aurait une analyse de contenu, et on essaierait de voir, pour les différents types de critères qui peuvent être retenus, si l'auteur du compte rendu a tenu compte de ce critère, a trouvé qu'il était positif dans le film qu'il analyse, ou a trouvé qu'il était négatif. Donc on peut très bien faire une analyse de contenu sur des variables qualitatives. Le jugement d'un critique d'art, d'un critique de film, c'est tout à fait imaginable. Mais à la fin de la recherche, j'arriverai à des conclusions du genre, dans 95% des cas, le critère retenu comme positif par les critiques était, je ne sais pas moi, la qualité des effets spéciaux. Donc vous voyez, on arrive à une description quantitative, mais pour autant, on s'est attaché à des variables qualitatives, les critères de jugement d'un critique d'art, d'un critique de cinéma, en l'occurrence de cinéma de genre, mais vous pouvez transposer à tout ce qui vous intéresse. Donc description quantitative in fine, mais ça ne veut pas dire, et j'insiste très très fort, qu'il faut avoir que des variables du genre nombre de mots dans l'article, nombre de centimètres carrés de la photo dans l'article s'il y a une photo, etc. Donc on peut avoir, on doit même avoir pour avoir une recherche intéressante, des variables quantitatives et des variables plus qualitatives. Alors, on l'a déjà dit, mais j'insiste très très fort, il s'agit d'analyser le contenu manifeste, ce qui est explicite dans le contenu du corpus, pas ce qui est dans la profondeur des psychologies de l'auteur de l'article. Si j'analyse des comptes rendus de films du BIF, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été effectivement et explicitement écrit par les auteurs, pas ce qu'ils avaient en arrière-pensée, l'implicite, les connotations, le contexte socioculturel qui les a influencés. Ça, je peux l'investiguer par des entretiens qualitatifs, éventuellement complémentaires. Mais c'est le contenu manifeste qui m'intéresse ici. Alors, on parle d'analyse thématique, parce qu'il va s'agir d'analyser un contenu, que ce soit un contenu d'article, de documentaire, de chanson, tout ce qu'on peut imaginer du moment que ça soit peu ou prou médiatique. mais suivant un certain thème, suivant une certaine thématique qui nous intéresse a priori. Dans mon exemple, bien, la thématique des critères de jugement, des critiques d'art, des critiques de cinéma. Et puis on va construire une grille avec des catégories qui vont nous permettre d'analyser le contenu variable par variable. Alors je vais prendre un exemple, qui est un exemple de nouveau un peu stupide, mais qui est peut-être parlant. J'aurais besoin d'écrire, donc je laisse le micro pour que quelqu'un écrit. Donc imaginons, et là c'est vraiment un exemple imaginaire, si on imagine c'est logique, que j'ai été chargé par l'association de promotion internationale des personnes de couleur de cheveux rousse d'une étude bien particulière. Ces gens se sont rendus compte que dans les publicités pour les produits capillaires, eh bien, c'est une hypothèse, hein, ils craignent, en tout cas ils ont l'impression que les personnes de couleur de cheveux rousses, hommes et femmes, sont sous-représentées. Injustice criante. C'est pas normal, disent-ils, donc ils me chargent de mener une enquête pour vérifier cette hypothèse. J'ai mon hypothèse, on est dans l'hypothético-déductif, comme Nadège l'a dit tout à l'heure, hypothèse, les personnes de couleur de cheveux rousses sont sous-représentées dans les publicités pour les produits de soins capillaires. Je vais réunir un corpus de publicités, je peux décider dans quel média, en fonction du temps que j'ai à consacrer à l'étude, des moyens qu'on m'a donnés, je vais réunir un corpus avec des publicités qui représentent des personnes, évidemment, mon corpus doit être cohérent, puis je vais décider des variables intéressantes. Pour mener cette enquête, quelles sont à votre sens les variables que je vais retenir ? Puisque mon hypothèse est que les personnes de cheveux couleur rousse sont sous-représentées dans ces publicités. Ce n'est pas une question difficile, hein. Quelles variables à retenir pour construire ma grille d'analyse ? Qu'est-ce qui va varier d'un élément analysé à un autre et qui m'intéresse pour mener à bien cette recherche ? La taille de leurs pieds ? Oui ? Mais voilà, ok, pas compliqué. Donc voilà une variable, couleur de cheveux. Par rapport à cette variable couleur de cheveux, qui est évidemment choisie parce qu'elle me permettra d'investiguer ma thématique de recherche et de vérifier ou d'infirmer mon hypothèse de départ, comme je suis dans une analyse de contenu de type catégoriel, je vais devoir songer à un jeu de catégories qui va me permettre de classer chaque élément de mon corpus. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ici comme catégorie par rapport à la variable couleur de cheveux ? C'est pas très compliqué. Et quelqu'un se risque, c'est pas une question compliquée, hein, franchement. Plusieurs publicités, plusieurs personnes, plusieurs couleurs de cheveux, donc quelle catégorie ? Oui ? Âge. Oui, mais là on change. Âge, ça peut être une autre variable, effectivement. La catégorie, c'est la manière dont je vais classer chaque contenu par rapport à une variable. Par rapport aux couleurs de cheveux, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme variation ? Blanc. Et voilà, tout simplement, on va penser aux différentes couleurs, blanc, blond, noir, etc. Voilà un jeu de catégories, on y reviendra, hein. Et pour le moment, je reste vague volontairement, c'est pas parfait comme jeu de catégories. Blanc, blond, noir, pour la variable couleur. Intéressant, effectivement, on pourrait imaginer une variable âge pour un peu raffiner l'enquête et voir si c'est plutôt des personnes d'un certain âge, hein, qui vont être représentés ou sous-représentés dans les publicités pour les produits capillaires. Pourquoi pas ? J'ai dit qu'on s'intéressait, mon association, elle s'occupe de la défense, c'est n'importe quoi, mais des personnes de couleur de cheveux roux, il y a des hommes et des femmes. Donc il serait intéressant, évidemment, d'avoir une variable genre avec comme catégorie. Excellent. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc des variables et des catégories qui sont choisies en fonction d'une thématique, et on a compris pourquoi on parle d'analyse contenu thématique, catégorisée en catégorie, analyse de contenu catégorielle. Et entre parenthèses ici, mes variables, elles sont quantitatives ou qualitatives, celles qu'on vient de passer en revue ? Est-ce que j'ai mesuré la longueur des cheveux ou est-ce que j'ai qualifié leur couleur ? Donc il s'agit d'une variable qualitative. Donc on a déjà notre jeu conceptuel de variables quantitatives ou qualitatives, on a la notion de catégorie, on a donc l'essentiel pour comprendre ce qu'est une analyse de contenu thématique de type catégoriel. Alors, juste un tout petit peu plus maintenant, autant mes exemples étaient terre à terre, juste un peu de recul, un peu épistémologique, mais ça ne va pas être long, hein, rassurez-vous. Si vous vous souvenez du tout premier cours, hein, quand on avait vu cet extrait de l'âge de glace, et je vous avais expliqué qu'il y a finalement deux grandes approches en épistémologie. Soit une approche plus constructiviste, où on essaie d'analyser comment les individus sociaux construisent leur réalité, hein, c'était l'exemple du, peu importe les noms, hein, je ne m'en souviens pas mieux maintenant qu'à l'époque, mais comment, que le mammouth construisait sa vie comme s'il était un opossum, on voit la construction de sa réalité par l'individu. Eh bien, ici, au contraire, une analyse de contenu, on est clairement plutôt dans une épistémologie positiviste, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'on peut étudier directement la réalité et pas comment les gens construisent la réalité. Je vais étudier le contenu manifeste des médias et pas comment, par les médias, des individus se construisent un monde social ou un monde imaginaire, que sais-je. Donc on est vraiment dans une méthode très positiviste. J'analyse un contenu manifeste, je n'analyse pas la manière dont les individus construisent la réalité. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi, peu importe, mais qu'on est dans, toujours dans la philosophie des sciences, une approche qui est dite réaliste du point de vue ontologique, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une réalité qui existe et que je peux analyser comme chercheur. Je ne suis pas dans une approche où j'estime que la réalité n'est pas atteignable. Voilà, c'est juste pour faire un petit point d'épistémologie ici. On est dans une méthode explicite, reproductible. L'idée, c'est que si 10 personnes différentes ont votre grille d'analyse, ils vont toujours coder de la même manière. Il ne s'agit pas que pour moi, en voyant une publicité, je coche blanc, je vous la passe à vous et vous cochez noir. Là, ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème de reproductibilité. Donc, il faut vraiment que la grille d'analyse puisse être utilisée et aboutisse à des codages similaires d'un chercheur à un autre. C'est aussi, j'y reviens une dernière fois, une démarche hypothético-déductive. Vous avez vu aussi bien dans mon exemple des journalistes qui font des comptes rendus des films du BIF que des personnes de couleur de cheveux roux dans les publicités pour les produits capillaires. J'ai une hypothèse et puis je vais voir si elle se vérifie ou si elle s'infirme par cette méthode rigoureuse d'analyse de contenu et l'appliquer de la même manière à tous les contenus, à tout l'ensemble de mon corpus. Il ne s'agit pas, imaginons que j'ai choisi ces trois couleurs de cheveux et c'est tout. J'arrive un moment en analysant mes publicités à quelqu'un qui a de magnifiques cheveux fuchsia. Alors là, je me dis, zut, ma grille elle est mal foutue parce que je n'ai pas prévu la couleur fuchsia. Alors, on ne peut pas prévoir toutes les couleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prévoir les couleurs les plus habituelles et prévoir une catégorie. Autre, voilà, excellent, bravo. Donc, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas en cours de route de dire, comme je disais tout à l'heure, non, cette pub-là, elle ne rentre pas dans ma grille, ah, discrètement, je la mets à la poubelle, non, ça, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on utilise cette méthode. Tout doit pouvoir être passé au crible de la grille d'analyse qu'on a construite. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a décidé, cette grille, qu'on l'a construite, on a vraiment quelque chose qui va rester pendant toute l'analyse. Donc la phase de construction de la grille, elle est super importante. Il faut vraiment bien penser à toutes les possibilités et bien sûr faire un pré-test. On y reviendra. Alors bien entendu, comme dans tout type de recherche, les exemples que j'ai donnés, je pense vous le montrez bien, il s'agit de définir une question de recherche, de faire des hypothèses qu'on va devoir démontrer ou des phénomènes à étudier. Ce qu'on va devoir faire aussi, et ça je n'en ai pas encore parlé, c'est définir ce qu'on appelle l'unité d'enregistrement. Quel va être le segment de contenu médiatique que je vais passer au crible de mon analyse de contenu? Dans mon exemple des publicités capillaires, c'était chaque fois la publicité elle-même. Mon corpus était constitué d'unités d'enregistrement qui étaient des publicités. Mais on peut très bien estimer, dans un cas d'une autre recherche, tout à l'heure on parlait des photographies, je pourrais faire une recherche, tiens, comment est-ce que les médias belges représente d'un point de vue iconique, d'un point de vue photographique, je ne sais pas moi, le président Erdogan par exemple. Dans ce cas-là, mon unité d'enregistrement, nul besoin de s'encombrer des articles complets, mon unité d'enregistrement ce sera la photographie. Et je ferai un contenu où chaque photographie du corpus va être passée au crible de ma grille d'analyse de contenu. Donc l'unité d'enregistrement, c'est cette unité du corpus qui va être passée au crible de la grille d'analyse de contenu. Évidemment, ça va dépendre de la recherche que je fais, de la pertinence d'avoir telle ou telle unité d'enregistrement. Alors bien sûr, je vais, comme dans toute recherche, c'était pareil dans le questionnaire, définir mes variables et mes indicateurs. On a fait le petit exercice tout à l'heure, les variables ici, couleur de cheveux, l'âge, quelqu'un m'a suggéré, le genre, tout est fonction évidemment de la question de recherche. Maintenant, tout à fait comme dans le questionnaire, il peut arriver qu'une variable soit encore trop large, trop vague pour être directement repérée dans le corpus, dans le contenu manifeste des médias qu'on utilise. Je vais prendre un exemple que Nadège a donné tout à l'heure. Elle disait on pourrait étudier dans un jeu vidéo, hein, je ne sais plus lequel, mais si c'est macho. Hein, je crois que tu as dit ça. Est-ce que c'est macho? Alors, ce n'est pas évident, de manière objective, d'un codeur à l'autre, d'avoir la même définition de ce que c'est macho. Je ne sais pas, moi, si je vous demande, par exemple, à vous, c'est quoi, non, c'est toujours vous, c'est pas juste, mais vous, monsieur, par exemple, si je vous demande une définition de macho, qu'est-ce que vous me diriez par rapport à un jeu vidéo? Les jeux de combat. Voilà, monsieur me dit les jeux de combat, mais je pourrais dire que le fait qu'il y ait une pratique de combat, ça pourrait se discuter, mais enfin, c'est une idée, est un indicateur de cette variable macho. Mais macho en soi reste trop large, trop vague pour permettre une analyse du contenu manifeste par rapport à cette variable. J'ai besoin d'indicateurs concrets, d'indicateurs repérables, et qui est pas un combat, tout le monde va être d'accord en analysant le jeu vidéo. Il y en a ou il n'y en a pas, c'est un indicateur manifeste, objectif, et on peut se dire que d'un analyste à l'autre, ça ne changera pas, donc mon indicateur est bon. Vous comprenez le principe variable, indicateur, et puis le jeu des catégories. J'ai mon unité d'enregistrement, j'ai ma question de recherche, j'ai songé à mes variables, j'ai le cas échéant précisé mes variables en indicateurs quand les variables restaient trop peu manifestes et trop vagues ou trop générales, mais je dois maintenant constituer mon corpus. C'est une phase très importante puisque je vous dis qu'une fois que le corpus est déterminé, je ne peux pas en cours de route décider que tel ou tel élément du corpus, parce que finalement il me paraît plus si bon, je le mets de côté ou... Non, une fois qu'on a décidé d'une grille et d'un corpus, on fonce, on fait l'analyse, et je dirais qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Ça, c'est ce qui est typique des méthodes hypothético-déductives et des méthodes quantitatives. Une fois que le dispositif, on est proche finalement des sciences de la nature, une fois que le labo est mis en place, une fois que les tubes et les entonnoirs sont tous disposés, je lance ma préparation, c'est trop tard pour revenir en arrière. C'est un petit peu la même chose. Donc, très important la phase de constitution d'un corpus qui soit homogène et cohérent. Alors là, on a deux possibilités, hein, rien d'incroyable à ce niveau-là. Soit ce que j'étudie est suffisamment limité pour que je prenne tout l'univers et que je l'analyse. Mais dans mon exemple du BIF, je pense qu'il serait très faisable de prendre tous les comptes rendus qui ont été publiés par des journalistes en ligne à l'occasion du Festival du Film Fantastique 2017. Ça ferait quelques dizaines de comptes rendus au total, voire quelques centaines. Ça reste manageable. En revanche, si je veux voir ce qu'on a dit, je ne sais pas moi, des relations Union européenne-Turquie dans la presse belge sur les 15 dernières années, à moins que vous ayez une équipe de 20 personnes à votre service pendant 2 ans, je vous conseille de ne pas prendre l'ensemble de tous les articles publiés en Belgique qui ont parlé de la Turquie dans ses relations avec l'Union européenne. Ça va être un corpus ingérable. Donc là, on va devoir construire un échantillon représentatif de l'univers envisagé. Une petite nuance que je veux apporter ici par rapport à l'analyse des médias audiovisuels, il y a une distinction qu'il faut faire entre ce qu'on appelle l'offre globale et l'offre nette. Et ça ne vaut que pour les médias audiovisuels. L'offre globale, c'est l'offre brute quand on ne tient pas compte des parties de programme qui se chevauchent. Prenons un exemple concret. Je veux étudier la médiatisation dans les journaux télévisés belges du référendum de M. Erdogan en Turquie. Bon, ok. Si je prends l'offre globale ou offre brute, je vais analyser l'ensemble du journal télévisé de RTBF, l'ensemble du journal télévisé de RTL, etc. Même quand, sur une grille horaire, une partie de ces journaux se chevauchait et se déroulait en même temps. Donc physiquement, il était impossible pour une personne de voir les deux en même temps. Mais je considère que je prends l'offre brute et je vais analyser l'ensemble. Mais je peux aussi considérer que je me mets à la place d'un téléspectateur réel, encore que maintenant avec les techniques pour enregistrer, voire après coup, on pourrait reconsidérer la chose, et que j'enlève les zones de chevauchement. Donc je ne tiens pas compte des zones où les deux journaux télévisés se chevauchaient. Et là, on parlera lors d'analyse de contenu de l'offre nette. Donc ça, c'est une spécificité qui ne vaut que pour l'audiovisuel. Donc soit j'analyse tout mon univers, soit je construis un échantillon qui se voudra en tout cas représentatif. Et là, il y a une technique spécifique qui est souvent bien pratique et qui est celle de l'échantillonnage éclaté. Alors, c'est pas très très compliqué à saisir. Reprenons mon exemple de la médiatisation des relations Union européenne-Turquie, par exemple. Je suis moins ambitieux, je ne vais plus le faire sur les 15 dernières années, j'ai un mémoire sur le feu, j'ai pas 3 ans pour le faire. Et je décide de limiter mon projet à 7 semaines. Eh bien, la méthode de l'échantillon éclaté, elle va me permettre plutôt que d'analyser, on devrait compter, hein, mais plutôt que d'analyser l'ensemble de ce qui a été paru pendant ces 7 semaines, chaque jour de la semaine, je vais décider que chaque semaine, donc ici on a 7 semaines, je vais prendre mon analyse de contenu sur un jour différent. Donc ce sera le lundi de la première semaine où j'analyserai les quotidiens, le mardi de la deuxième semaine, le mercredi de la troisième, le jeudi de la... Enfin, vous avez compris le système. Chaque semaine, je prends un autre jour. Pourquoi faire ça? On pourrait dire je peux prendre tous les lundis pendant les 7 semaines, ou tous les samedis, ou tous les mercredis. Pourquoi je ne fais pas ça et j'éclate les jours de la semaine, à votre avis? C'est une question un tout petit peu plus difficile, mais elle n'est pas invraisemblablement difficile. Quel intérêt il y a à éclater sur les 7 semaines à des jours différents pour avoir un échantillon qui prendra les quotidiens du lundi, la deuxième semaine du mardi, la troisième du mercredi. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire ça? Oui. C'est pour éviter de tomber sur les quotidiens qui paraissent tous les jours, peut-être les hebdomadaires qui paraissent tous les lundis. On pourrait imaginer qu'il y ait la question de la parution, mais au-delà de ça aussi, ça évite, par exemple, comme certains jours, par exemple, on pourrait dans certains quotidiens, l'actualité culturelle est beaucoup plus marquée que certains autres jours. Si vous prenez par exemple le mercredi, il y a beaucoup plus d'actualité culturelle, vous fausseriez, vous biaiseriez un petit peu l'analyse, enfin l'échantillon, à ne prendre que les mercredis. Tandis qu'en éclatant l'échantillon sur les différents jours de la semaine, on évite ce phénomène de biais qui est dû à une actualité plus marquée dans tel ou tel domaine, tel ou tel jour dans les quotidiens. Alors évidemment, si votre quotidien que vous analysez ne paraît pas le dimanche, vous ne tenez pas compte du dimanche, ça va sans dire. Enfin, il vaut encore mieux peut-être le dire. Maintenant, vous dites-vous peut-être, ah ben zut, c'est bien beau sa méthode, mais moi je suis encore plus pressé, j'ai un peu lambiné sur mon mémoire, et j'ai royalement 3 ou 4 semaines pour faire mon analyse de contenu, et pas 7. Merveilleux, j'ai une solution pour vous. On n'a que 4 semaines, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est simplement une adaptation de la même méthode. Simplement, plutôt que de continuer ma diagonale des jours jusqu'à la 7e semaine, eh bien, arrivé à la 4e semaine, le jeudi, ben, je remonte au vendredi. Je m'embrouille moi-même, mais vous comprenez avec le graphique. Donc, je prends le lundi de la première semaine et le vendredi. Pour la deuxième semaine, j'aurai le mardi et le samedi. Pour la troisième semaine, j'aurai le mercredi et le dimanche. Et pour la 4e semaine, j'aurai uniquement le jeudi. Donc on garde la même idée d'éclater sur les jours de la semaine, mais évidemment, puisqu'on a moins de semaines, pour 3 des 4 semaines, on aura une analyse sur 2 des jours de la semaine, mais toujours des jours différents. Donc cet effet d'éclatement et cette absence de biais est aussi présente dans cette méthode. Donc voilà, c'est une méthode que je vous encourage à suivre, éclater l'échantillon plutôt que tout analyser tous les jours, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'enthousiasme. Encore un petit détail technique, on a parlé de l'unité d'enregistrement qui était l'unité médiatique qu'on va analyser. Il y a aussi ce qu'on appelle l'unité de numération. C'est quand on a une variable quantitative, on doit simplement préciser la manière dont on va compter cette variable. Est-ce qu'on va compter, et ça dépend des recherches qu'on mène, hein, ça dépend de la question de recherche, est-ce qu'on va compter par exemple le nombre de centimètres carrés, la surface d'une photo, est-ce qu'on va compter le nombre d'occurrences, on peut avoir une variable qui serait par exemple, je ne dis pas que ça a du sens, hein, mais nombre de fois que le nom de M. Erdogan est mentionné dans l'article. Là, l'unité de numération ou l'unité de comptage, ce sera le nombre d'occurrences. Si on analyse de l'audiovisuel, ça peut être la durée d'une séquence, la durée d'une intervention en secondes, etc. Donc pour les variables quantitatives, on doit préciser une unité de numération. On en vient maintenant, mais on a déjà évoqué ça par mes exemples de tout à l'heure, à la question vraiment cruciale des catégories. On a des variables, on a un corpus, on a des unités d'enregistrement, on a des unités de numération. Évidemment, une phase super importante, c'est de décider pour toutes les variables pertinentes, en tout cas celles pour lesquelles on veut produire une catégorisation, mais des catégories pertinentes. Et là, il y a 3 règles à suivre absolument. Et quand on n'en suit pas une de ces 3 règles, on est sûr de se planter. Les catégories qu'on va créer doivent être à la fois, et on va voir ce que ça veut dire cas par cas, mais voyons d'abord d'ensemble, une vue d'ensemble, elles doivent être exhaustives, mutuellement exclusives et analogiques. Alors, exhaustive, ça veut dire que toutes les unités d'enregistrement de mon corpus, il doit y avoir moyen de les catégoriser dans mon jeu de catégories. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est pas question tout d'un coup de tomber sur une femme avec des cheveux, enfin, un homme, hein, puisqu'on s'intéressait à la question des hommes et des femmes roux et rousses. Il n'est pas question de tomber sur une personne avec des cheveux fuchsia et de dire « zut, ça ne rentre pas dans ma grille, je mets la publicité à la poubelle parce qu'elle ne rentre pas dans ma grille. Non, on aura dû prévoir, comme on disait tout à l'heure, une catégorie autre. Donc exhaustif, ça veut dire que chaque élément du corpus analysé doit pouvoir être catégorisé. Il n'y a rien qui doit être hors cadre, hors catégorie. Super important. Mutuellement exclusif, ça veut dire qu'il faut pouvoir catégoriser par rapport à chacune des variables dans une et une seule catégorie. Il ne s'agit pas de devoir cocher une personne qui aurait à la fois des cheveux blancs et des cheveux noirs, et de cocher les deux. C'est pour des questions de comptabilité à la fin, quand on va compter les résultats catégorie par catégorie. Donc on peut imaginer qu'une personne ait deux couleurs de cheveux, mais on va prévoir alors une catégorie qui sera bicolore ou tricolore ou plusieurs couleurs de cheveux. Vous voyez ? Donc ça c'est super important et c'est une erreur qui est très très souvent faite. Il faut vraiment que ces catégories soient mutuellement exclusives. On ne peut pas cocher deux catégories. Ce ne sont pas des attributs dans une enquête. Ce n'est pas les petits carrés où on peut en cocher plusieurs. Non, c'est une catégorie et pas une autre. Et finalement, il faut que ces catégories soient analogiques. Ça veut dire qu'elles soient toutes, par rapport à une variable, de même niveau logique. Si je suis en train d'analyser la couleur des cheveux, ça n'irait pas d'avoir blanc, blond, noir, taille fine. Non, là, ça n'a plus rien à voir avec la couleur des cheveux. C'est aussi un aspect évidemment de la personne physique, mais on n'est plus au même niveau logique. Alors là, l'exemple a l'air gros, mais je vous assure, quand on voit les travaux d'étudiants, très souvent, il y a des jeux de catégories très mal construits où on mêle différents niveaux logiques. Donc on doit vraiment bien rester au niveau logique. Si on est intéressé, je ne dis pas que c'est pertinent, mais par la taille de la personne représentée sur la publicité, eh bien on va en faire une autre variable qui sera taille de la personne, on imaginera des catégories liées à sa taille. Ok, donc ça c'est vraiment un truc super important. Les catégories exhaustives, mutuellement exclusives et analogiques, c'est souvent là que des problèmes se posent. Quand on a fait tout ça, eh bien le plus chouette peut arriver, puisqu'on va faire l'analyse elle-même, on a une grille. On va prendre soin de la pré-tester, comme pour les entretiens. Vous l'avez vu quand on a fait les entretiens, quand on travaillait en atelier les questionnaires, c'est super important de pré-tester notre instrument, notre outil sur des personnes lambda avant de se lancer dans l'analyse véritable. Donc c'est très important de pré-tester la grille, on le fera dans l'atelier aussi. On élabore un plan d'exécution. Ça, je dirais que c'est important si on travaille tout seul, c'est de dire comment on va s'y prendre pour dépouiller toutes ces grilles qu'on aura remplies à la fin du compte. C'est encore plus important quand on travaille avec une équipe. Si vous êtes le chercheur principal et que vous avez 50 assistants qui vont se lancer, comme tous ces chercheurs des années 50, ils ne travaillaient pas tout seuls, ils avaient des équipes pour décoder et analyser. Eh bien, ils faisaient des plans d'exécution pour que chacun sache très bien comment remplir cette grille d'analyse et que chacun le fasse de la même manière. Ensuite, il s'agit de dépouiller le corpus, on va simplement, ça peut prendre du temps, mais on va voir ce que ces grilles d'analyse révèlent par rapport aux différentes variables qu'on aura catégorisées. Et on peut, pour terminer, on doit même, parce que sinon pourquoi faire une recherche, interpréter les résultats. Les résultats, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. On va peut-être voir que, je ne sais pas moi, dans 37 cas sur 40, c'était des femmes avec des cheveux blancs, avec des blonds. Après, il faut interpréter. Qu'est-ce que ces chiffres nous apprennent ? Alors, la meilleure manière d'interpréter, c'est de se souvenir de sa question de recherche. C'est pareil pour un mémoire. Il y a une question de recherche, c'est le fil rouge. C'est super important, ça paraît tellement basique, mais croyez-moi, souvent des mauvais mémoires, c'est parce qu'il n'y a pas de question. Quelle est la question que je me pose ? Mais c'est pareil ici pour une analyse de contenu. Je ne fais pas ça pour faire une jolie grille et m'amuser à faire des comptages. C'est parce que j'ai une question à laquelle je veux répondre ou en partie répondre grâce à une analyse de contenu. Alors évidemment, il s'agit d'interpréter, mais il ne s'agit pas non plus de surinterpréter. Il faut rester humble. Quand on fait une petite analyse de contenu, ou on fait une grande analyse de contenu, ce n'est pas pour ça qu'on peut surgénéraliser, ou même généraliser, quand on surgénéralise, c'est pour ça qu'on peut généraliser les résultats obtenus au-delà de ce que l'échantillon représente. Donc il faut rester humble. On a fait une analyse ponctuelle sur un certain type de médias, avec une certaine précision dans les mesures, c'est très bien, mais il ne faut pas, parce qu'on aurait analysé 3 publicités pour des produits capillaires, tirer de grandes conclusions sur l'histoire de la publicité pour les produits de soins. Vous voyez, pas de généralisation des résultats. Je voudrais terminer avec une erreur, en tout cas un risque, qui est souvent présent dans les analyses de contenu, en tout cas si on fait une analyse de contenu thématique catégorielle. Tout à l'heure, Nadège Brousteau a insisté sur le fait qu'il y avait d'autres types d'analyses de contenu qui pouvaient intégrer plus la question des représentations qualitatives. Mais si on est dans ce type d'analyse que je vous présente ici, thématique catégorielle, il y a une chose vraiment importante qu'il faut toujours avoir à l'esprit, on analyse des médias qui ont été réalisés pour un public ou pour des publics, mais pas par le public lui-même. Donc il ne s'agit pas de dire, quand on analyse des contenus dans les médias, les gens pensent que, le public pense que, les gens n'aiment pas les rousses ou n'aiment pas les roues parce qu'on ne les voit pas sur les publicités. Non, peut-être que l'image des publicitaires, c'est qu'il ne faut pas, j'invente n'importe quoi, j'en sais rien, mais, et j'ai absolument rien contre les personnes rousses, mais à la limite, on a l'image que les publicitaires se font des personnes rousses. Mais on n'a certainement pas ce que les gens, le public, pensent des personnes rousses. Donc de grâce, faites bien la distinction entre des médias qui sont réalisés pour un public, mais pas par un public. Bien sûr, si vous analysez des médias sociaux, ce qu'on appelle du journalisme citoyen, là, effectivement, ce sont des publics de non-journalistes qui eux-mêmes sont producteurs du média. C'est différent. Là on a d'autres rôles qui sont en présence, mais c'est quand même des cas plus rares. Donc attention, c'est deux choses différentes, et c'est des erreurs qu'on voit parfois dans les médias. Si vous regardez des revues de presse, parfois, je ne sais pas, vous regardez, c'est plutôt vos grand-mères qui regardent ça, mais si vous regardez Télématin, matin, par exemple, avec, comment s'appelle-t-il, William L'Energie, hein, depuis 50 ans au moins, et il y a toujours des revues de presse. Et les revues de presse, souvent, ils extrapolent, le monsieur qui fait la revue de presse dit, ah, voyons, ou William L'Energie dit, voyons voir ce que pensent les Belges, ou voilà ce que pensent les Italiens. Mais non, c'est pas ce que pensent les Italiens, c'est ce que la presse italienne dit, hein, d'un certain événement, c'est ce que la presse française dit d'un certain événement. Donc, de grâce, ne faites pas dans vos travaux de recherche ce genre d'erreur. Bien sûr, on peut dire, et ça c'est pas faux, que les médias représentent une sorte de zeitgeist. Hein, le zeitgeist, c'est dans la philosophie allemande, c'est, pour simplifier hyper fort, c'est une sorte d'état des lieux socioculturels, une ambiance socioculturelle. C'est clair que, indirectement, les médias représentent une certaine ambiance socioculturelle qu'on peut essayer d'analyser dans le contenu manifeste, mais c'est pas pour ça qu'ils représentent les gens eux-mêmes. C'est pour ça que je vous mets aussi, on peut, et sans rentrer dans le détail de ces recherches, on peut essayer d'analyser comment un journaliste représente explicitement son lecteur. Parfois, le journaliste, par différents moyens qu'on va pas voir ici, représente son lecteur dans l'article. Si c'est explicite, on peut l'analyser. Mais on ne peut pas faire, et là c'est la sémiologie d'Umberto Eco, on ne peut pas analyser tous les implicites, tous les vides dans un texte où, d'après les sémiologues, ce vide est créé pour que le public puisse lui-même participer à la création du sens. Donc c'est très important, c'est toujours la même chose, hein, mais de s'attacher au contenu manifeste, pas à l'implicite, à ce qui est dit et pas à ce qui n'est pas dit. Il y a d'autres méthodes, il y a de la sémiologie, il y a des analyses de discours pour analyser l'implicite et ce qui n'est pas dit. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. Alors, je prends le relais en bas des escaliers. Donc, on a vu avec Marc le déroulement, en fait, de la liste de contenus thématiques de type catégoriel, donc qui est une sorte particulière d'analyse de contenu. Ce que je vais vous présenter pour finir, c'est un exemple de recherche qui a utilisé une analyse de contenu et que vous pouvez retrouver intégralement en ligne, que nous avons également mis en ligne sur l'UV dans la science d'aujourd'hui. En fait, c'est une recherche qui émane d'un mémoire qui avait été réalisé donc par une étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières à l'époque. Mémoire qui est devenue une sorte de modèle, en fait, et à partir duquel elle a réalisé des recherches complémentaires, tiré plusieurs articles. L'avantage, en fait, de cette recherche-là et de ce texte-là, c'est que si vous réalisez une analyse de contenu dans son texte qui est rédigé de façon très claire, elle explicite aussi vraiment sa méthodologie et ses choix. Donc ça vous permet en quelque sorte un petit peu d'aller chercher des exemples ou des façons de tourner les choses qui peuvent vous être utiles, que vous pouvez reproduire dans vos mémoires si vous utilisez une analyse de contenu. Donc la recherche qu'a menée cette chercheuse, qui est professeure maintenant, Caroline Caron, portait sur la façon dont étaient représentées de façon iconographique, c'est-à-dire visuellement, les filles et les femmes dans les images de la presse magazine pour adolescentes au Québec. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les photographies en particulier. Et la question qu'elle se posait, c'était comment les filles et les femmes sont-elles représentées dans les images de la presse magazine pour adolescentes? Et de façon sous-jacente, la sous-question de recherche qu'il y avait, c'était est-ce que cette représentation est stéréotypée? Les hypothèses de recherche sur lesquelles enfin, plutôt qui constituait ses prémices de recherche, était d'une part que, d'après elle, d'après les lectures en fait, qu'elle avait fait, lectures théoriques et lectures de recherche existantes, a priori, elle supposait que la représentation de la féminité, de ce qui était être une femme dans ces médias, et des relations hommes-femmes, était de type conservatrice. Sa deuxième hypothèse, c'était que le contenu photographique de ces médias-là, donc de la presse magazine féminine pour adolescentes, contribuait à produire un discours qui était plutôt traditionnel, donc c'est-à-dire conservateur, sur la féminité. Donc d'une part, il y avait une représentation qu'elle jugeait comme étant conservatrice, et une représentation générale, et d'autre part que le contenu des photos contribuait donc à un discours général, traditionnel, conservateur sur la féminité. Donc brièvement, le cadre théorique dans lequel elle s'inscrivait, parce que quand on mène une recherche et quand on fait une analyse de contenu, on pose une question de recherche, enfin on a une problématique, on pose une question de recherche, on a des hypothèses, mais on a aussi toujours un cadre théorique qui nous sert à présenter les études qui existent déjà, les théories qui se raccrochent à notre sujet, et qui va nous servir à la fin aussi à interpréter nos données. Donc ici, elle, dans son cas, elle s'appuyait sur plusieurs éléments, dont les cultural studies, c'est-à-dire tout ce qui, les types d'études qui vont en fait travailler sur la culture populaire, sur la question des stéréotypes, la construction des valeurs, la circulation en particulier des stéréotypes dans la culture populaire, et ici en particulier donc la presse magazine. Il faut savoir que, enfin vous avez, j'imagine, déjà rencontré peut-être les cultural studies dans vos études. Donc ce sont des types de recherches qui vont s'intéresser à des objets culturels qui d'habitude qui sont considérés comme étant des objets de recherche pertinents, mais pas forcément très valorisés. On pense à certains types de musique ou à certains types de littérature, ou à certains types de presse qui sont vus comme étant moins importants, moins de référence, moins prestigieux que d'autres types. Dans les cultural studies, on juge que tout contenu culturel a un intérêt aussi valable que le reste. Donc c'est tout aussi pertinent et intéressant d'étudier la presse People, par exemple, que d'étudier, faire une comparaison du Monde, El País, le Times, etc. Ou c'est tout aussi pertinent d'étudier le slam que l'opéra, etc., etc. Donc, cultural studies pour tout ce qui concernait la presse magazine et aussi la circulation des stéréotypes. L'autre dimension théorique sur laquelle elle s'appuyait, c'était la sémiotique, donc tout ce qui était en fait le traitement de l'image comme étant des signes révélateurs de certaines réalités. Mais donc, la sémiotique, en fait, elle est venue l'associer, c'était une des spécificités de son sujet. Comme je vous mentionnais auparavant, dans ses hypothèses, il y avait l'idée que la presse magazine contribuait à une représentation plutôt traditionnelle, à une image qu'elle avait appelée conservatrice. Donc forcément, comme c'est dans sa question de recherche, il fallait qu'elle définisse ces concepts-là. Et donc, dans son cas, le terme traditionnel, ça correspondait, elle le définissait à partir du courant féministe. Sa recherche, c'est aussi une recherche qui s'inscrit dans un courant théorique du féminisme. Donc la définition qu'elle donne, c'est pas forcément la définition du terme traditionnel qu'on retrouverait dans un autre type de recherche. Dans son cas, ça renvoyait aux normes et aux prescriptions, c'est-à-dire à ce qu'on recommande ou à ce qu'on cherche à faire, à valoriser auprès des lecteurs. Sur le plan plus précis du concept de la féminité traditionnelle, en fait, elle voyait quatre dimensions qu'elle tirait là aussi de ses lectures, donc de son cadre théorique. J'insiste sur la nécessité du cadre théorique pour alimenter aussi la recherche à différentes étapes. Ici, les quatre dimensions, elle les avait découpées ainsi. D'abord, pour elle, la féminité traditionnelle, c'était l'adhésion aux standards de mode et beauté, donc ce qui est défini comme étant des règles, des normes, de ce qui est majoritaire ou de ce qui est le plus courant et valorisé dans la société. Deuxième dimension, c'était le développement d'habiletés domestiques et familiales. Donc, ça, la vision traditionnelle de la femme comme maman, qui prend soin de la maison, la ménagère parfaite, etc. Troisième dimension, la satisfaction des besoins des autres. Donc là, c'était le côté générosité, altruisme, etc. Et quatrième dimension, l'obtention de l'attention des hommes. En fait, donc, ce sont ces quatre dimensions-là qui ne sont pas des vérités absolues pour tout le monde, mais qu'elle avait trouvées dans certaines études déjà existantes. Elle les a donc utilisées pour sa recherche. Ça voulait dire que dans son analyse des photos, elle allait faire attention à comment ces dimensions se manifestent et comment elle pouvait mesurer la présence ou pas de ces dimensions-là. Alors, le corpus sur lequel elle a choisi de travailler, c'est trois magazines féminins pour adolescentes qui étaient produits et distribués au Québec. Donc, ils faisaient en sorte que pour elle, c'était des critères de choix des magazines qui allaient davantage correspondre à une réalité québécoise, puisque c'était le terrain sur lequel elle se concentrait. Donc elle n'allait pas prendre la presse magazine, en général, un journal dans un pays, un autre dans un autre, etc. Donc trois magazines, et qu'elle ne pouvait pas étudier sur 35 ans, comme l'évoquait Marc un petit peu plus tôt, de façon exhaustive. Donc elle a fonctionné par échantillon. Donc elle a choisi en fait de prélever un échantillon qui serait représentatif d'une année de production de ces publications qui sont mensuelles. Donc comme c'est un mensuel, ça lui donnait en fait donc un numéro par mois pour un an, soit 12 numéros par magazine, soit donc 3 fois 12 numéros au total à traiter. Donc ça c'était son premier échantillon. Dans sa recherche, en fait, l'unité d'enregistrement qu'elle cherchait à mesurer et à analyser, c'était les photographies. Donc, dans ces magazines-là, elle a cherché les photographies et elle a choisi de s'intéresser aux photographies dont la superficie était supérieure à un quart de page de magazine. En fait, elle voulait s'assurer par là que ça allait être des photos qui, même pour quelqu'un qui feuillette rapidement le magazine, c'était des photos dans lesquelles on allait clairement identifier les gens qu'on met en scène, le décor, etc. Donc qui allait marquer les esprits, selon son hypothèse, de façon plus efficace. Et comme elle s'intéressait aux stéréotypes, à la représentation des filles et des femmes, elle a choisi aussi comme unité d'enregistrement d'intégrer le critère qu'elle s'intéressait aux photographies qui présentaient au moins un personnage humain. Donc il était la question d'aller, même s'il y a des termes qui évoquaient les femmes dans du texte, s'il n'y avait pas une femme ou une fille représentée sur la photo, alors elle ne considérait pas cet élément-là. Et donc ça, ce sont des critères qu'elle a définis avant la constitution du corpus, et non pas après coup, comme le disait Marc, en fait, en cours de route, ces photos-là, elles sont trop petites, donc je les enlève. C'est des choix qu'elle a fait avant et au moment aussi du pré-test. C'est là où on se rend compte que potentiellement on peut ajuster notre échantillon définitif. Ce qui lui a donné un total de 345 photographies qu'elle a analysées à partir donc, de différentes variables. Ce qu'elle a choisi d'utiliser comme variable pour étudier la représentation des filles et des femmes, la représentation iconographique, photographique dans ces magazines, sous l'axe de stéréotype ou pas stéréotype. Donc elle a classé chaque élément du corpus selon 8 variables qui lui semblaient pour elle pertinentes, les plus pertinentes pour classer et permettre de mesurer donc, ces différentes photos. Donc elle a choisi de traiter le format des photos, la fonction de l'image qui était donnée, la modalité visuelle, c'est-à-dire sur le plan de la technique, quelle technique photographique avait été utilisée, le sexe et l'ethnie des figurants, des figurantes, le lieu représenté, est-ce que c'était un décor extérieur, un type de paysage intérieur, la distance sociale entre les figurants et les figurantes, est-ce que les gens qui sont sur la photo se ressemblent beaucoup, est-ce qu'ils sont en interaction proche ou pas. Donc comment on les met en scène et à quel point on les fait se ressembler ou pas. Donc déjà potentiellement se rapprocher de stéréotypes ou pas. Et également la distance sociale entre la lectrice et les figurants et ce qu'elle a appelé l'énonciation visuelle. Donc, différents types de variables sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici pour le cours, mais que si vous allez lire donc l'article mis en ligne, vous pouvez trouver donc la définition de chacune de ces variables-là. Ce que je veux vous montrer, c'est comment, à l'instar de ce que vous a montré Marc, elle a créé des catégories pour chacune de ces variables-là pour pouvoir coder, donc transformer les éléments de la photographie en chiffres pour mesurer et comparer les photos. Donc deux catégories que je vous montre en exemple, la catégorie format de l'image qu'elle avait classée comme étant une première variable, ben en fait cette variable-là, elle y a inclus plusieurs catégories. Donc une catégorie qui était de petit format, qu'elle a défini comme étant au moins un quart de page, c'était la petite catégorie, une catégorie moyen qui était au moins une demi-page, une catégorie grand, qui était une page complète, et une catégorie très grand qui était plus d'une page, c'est-à-dire généralement une double page en fait de publicité qu'on retrouvait en page centrale ou en cahier central. Autre variable qu'on peut prendre en exemple, la variable fonction de l'image, c'est-à-dire en fait la visée, l'objectif de communication attribuable à l'image. Elle a distingué ici trois catégories qui sont un petit peu plus complexes en fait à saisir ou qui sont moins évidentes, disons, à premier abord. Une fonction publicitaire, une fonction promotionnelle et une catégorie non publicitaire et non promotionnelle. Parce que l'enjeu, c'est qu'il faut toujours donc, il faut être exhaustif. Donc il y a forcément des choses qui vont être peut-être différentes de ce qu'on a défini comme publicitaire ou promotionnelle. Donc elle a créé cette catégorie pour y mettre ce qui était « autre » finalement. Alors, pour illustrer ces définitions, enfin ces différences entre catégorie publicitaire promotionnelle et non publicitaire non promotionnelle, la catégorie 3, vous avez ici trois exemples qu'elle a donnés. Donc, elle s'intéresse aux photos. Les photos, elles sont de différentes natures. Elles peuvent être soit donc, des photos qui sont réellement des publicités, qui ont été créées par un commanditaire, enfin un publicitaire en général qui a acheté un espace dans le magazine et qui en fait donc inclut sa publicité intégralement telle qu'elle dans le magazine. Donc ça c'est l'image, la fonction publicitaire de la publicité, de la photo analysée. La deuxième catégorie de sa variable fonction de l'image qui est donc promotionnelle, ce serait ce qu'on trouve ici dans la figure 3. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une photo qui vient illustrer une opération de transformation, donc transformation beauté, le avant-après dans le magazine féminin, et où en fait, ici, elle parle d'une image promotionnelle parce que ce n'est pas une publicité au sens classique du terme. On a pris une personne de la vraie vie, on l'a transformée, donc on a le avant-après, mais par contre, on a fait appel à des acteurs, en fait, à des pros de l'esthétique notamment, et on fait de la publicité pour les produits, on mentionne les produits qu'ils ont utilisés, ainsi que le salon, en fait, où a eu lieu la transformation. Donc c'est pas une publicité classique, mais il y a quand même la promotion de certaines personnes et de certains produits utilisés. Et enfin, la troisième photo que vous voyez ici à droite, c'est une photo qui n'est pas une publicité, justement, et qui ne fait pas non plus de promotion pour un produit particulier ou pour une personne en particulier, mais qui est utilisée pour illustrer un dossier, en fait, qui est donc détaillé dans le magazine féminin. Alors, elle travaille sur la presse pour adolescentes. Du coup, il est certain que les thématiques sur lesquelles elle va trouver des exemples sont extrêmement reliées, notamment à ce besoin de plaire, au désir, etc. Donc, dans les résultats qu'elle trouve, est-ce que vous voyez assez grand la diapo pour l'ensemble de la salle, ça va ? D'accord. Donc, dans les résultats que l'on peut souligner et qu'elle va, c'est trop petit pour certains. Ok, alors vous avez les diapositives en fait dans la section de l'UV peut-être pour aller voir de façon plus précise les résultats en question. En fait, il y a trois grands types de résultats qu'elle a trouvés qui vont lui permettre de confirmer en fait ses hypothèses. Donc ils vont valider le fait que effectivement dans les magazines qu'elle a analysés, les photos vont aller dans, vont présenter des représentations des filles et des femmes qui vont donner en fait une image d'une féminité plutôt traditionnelle. Donc dans lesquelles il y a vraiment des normes de beauté à respecter et desquelles il ne faut pas déroger en fait, qui semblent être les seules normes existantes, et dans lesquelles il va y avoir, qui vont être en fait amenées et publicisées par différentes fonctions. Alors la première fonction, la première stratégie en fait qu'elle observe, qui permet de en fait d'inciter les gens à, enfin les filles en question en fait, à correspondre à des standards ou à des normes, c'est ce qu'elle définit comme étant, enfin avec la phrase d'accroche, regarde-moi, j'ai quelque chose à te dire. C'est en fait que dans la grosse majorité des cas, sur les photos, en particulier publicitaires et promotionnelles, il y a toujours donc le figurant qui va regarder directement le lecteur, l'interpeller par le regard. Premier élément que j'ai oublié de mentionner, mais c'est que la grande majorité aussi des photos sont essentiellement, en fait, il y a seulement 13% qui sont de l'ordre du non promotionnel et non publicitaire. Le reste des éléments relèvent plutôt d'une dimension soit publicitaire, soit promotionnelle. Il y a même une majorité qui est d'ordre promotionnel, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on fait de la publicité directement, mais par contre, on inclut, on cite des produits, on cite des personnes, donc en fait, on fait de la publicité indirecte. Et donc, par ces publicités-là, elles vont fonctionner donc beaucoup par la mise en scène de regards qui vont venir donc chercher, interpeller les lecteurs et qui vont pousser en fait à la consommation. Donc c'est vraiment en fait une stratégie d'accroche majoritaire dans les photos qu'elle a analysées qui ressortent de ces magazines-là. Le deuxième résultat qu'elle a mis en évidence, c'est ce qu'elle a appelé « ce que je dis est vrai », c'est-à-dire le très haut degré de réalisme des photos et des mises en scène. Au-delà des différentes, de la multiplicité en fait, des retouches qu'il y a sur les visages, les corps, le décor aussi avec les grands ciels bleus, les arbres bien verts, etc., il y a une très haute qualité en fait, des images qui fait en sorte qu'à première vue, l'œil peut quasiment prendre l'image comme étant la réalité. Donc ce qui contribue aussi à venir influencer les lecteurs et à présenter une sorte d'idéal souvent inatteignable, mais en tout cas un idéal qu'à première vue, on ne discerne pas. Troisième forme de résultat, c'est par rapport à l'idée de relation homme-femme notamment, le fait que la majorité des photos qui mettent en scène des femmes représentent les femmes dans des décors intérieurs. Elles sont dans leur chambre, elles sont dans la cuisine, elles sont dans leur salon sur un canapé en train de lire, de regarder la télévision, etc. Alors que la majorité des images qui vont représenter des hommes ou des garçons sont plutôt des images qui sont prises en extérieur, donc dans des décors, dans des environnements tels que la ville, un parc, une forêt, en train de faire du sport, etc. Donc ici, dans son étude à elle, par rapport aux dimensions qu'elle souhaitait analyser, par rapport à ses hypothèses, ça vient en fait confirmer une certaine vision traditionnelle de la féminité sur son, par rapport à son questionnement. Et autre élément aussi qui vient renforcer ces hypothèses, c'est qu'il y a également une grande majorité des images, donc de nature publicitaire ou promotionnelle, qui vont jouer sur l'idée de désir, la satisfaction d'un désir ou d'un besoin, et qui vont aussi se jouer dans des cadres hétérosexuels, blancs, avec donc très peu en fait, de diversité sur le plan de la distance sociale entre les figurants. Ce qui donc l'amène à dire que l'iconographie dans ce type de magazine contribue donc à un discours qui est plutôt de type traditionnel. Donc, ce qui lui permet de valider ses hypothèses, mais ce qui l'amène aussi, et c'est le point sur lequel, sur un des points de conclusion, à souligner les limites de sa recherche. Comme le mentionnait Marc, ses résultats ils sont valides pour les magazines qu'elle a étudiés sur une certaine époque, et donc elle ne peut pas les généraliser à d'autres types de magazines ou dire toute la presse pour adolescentes contribue à un discours traditionnel, il n'y a que les hommes font tous du sport, les femmes elles sont qu'à la maison, etc. Elle ne peut pas aller jusque-là du tout. C'est des résultats qui évoquent des tendances, des observations manifestes qu'on peut faire, ce qui est présenté dans le corpus qu'elle a analysé. Deuxième limite, c'est qu'elle elle s'intéresse à l'influence ou au fait qu'il y a donc des stéréotypes qui sont entretenus potentiellement par ce type d'image traditionnelle, qu'elle juge traditionnelle. Mais elle n'est pas allée interroger les lecteurs pour voir comment eux reçoivent ce type de publicité. Est-ce que pour eux, ça les persuade que oui, c'est vraiment comme ça qu'il faut être, ou en fait, ils les reçoivent de façon complètement détachée et ils ont une distance critique ou ils l'interprètent de façon différente, etc. etc. Donc, elle n'a pas été du côté de la réception, mais plutôt du côté vraiment de la diffusion des messages même en tant que tels. Et enfin, elle a analysé seulement les visuels, donc seulement les photos et pas les textes qui les accompagnaient. Or, parfois, les textes viennent nuancer ou amener d'autres idées que ce qu'on peut trouver seulement dans les photos. Photos d'un dossier, par exemple, qui peut être accompagné de dimensions humoristiques, de second degré, etc., etc. Donc, là encore, ses conclusions sont valides pour l'unité d'enregistrement sur laquelle elle a choisi de travailler. Et pour finir, donc cet exemple que vous pouvez retrouver de façon exhaustive en ligne, ce qui peut aussi être intéressant pour vous, c'est que d'une part, elle mentionne comment elle a détaillé son protocole, ce qu'elle appelle un protocole de codification, qui en fait, tout ce que Marc vous présentait tout à l'heure et que je vous ai présenté un petit peu ici, le choix des variables, le choix des indicateurs, le choix des catégories, pourquoi je choisis telle catégorie plutôt qu'une autre, etc. Et ça fait partie aussi, quand on fait une analyse de contenu, d'éléments qu'on doit expliciter dans la méthodologie pour un mémoire. Et dernière précision, elle a travaillé, elle avait un certain nombre de photographies qui étaient assez conséquents, elle a travaillé sur un logiciel de traitement des données qui était donc SPSS, qui est un logiciel utilisé aussi pour l'analyse statistique. SPSS, c'est un logiciel qui n'est pas en accès libre partout, qui peut coûter fort cher. Donc, si vous êtes dans une analyse de contenu, l'un des outils en fait, qui vous permet de compiler les données et aussi après ça de faire des calculs, de croiser les informations, c'est d'utiliser des logiciels tels que Excel, donc, qui sont accessibles gratuitement et qui vous permettent quand même de recueillir vos données et de croiser vos résultats ultérieurement. Donc l'analyse de contenu, vous allez avoir l'occasion de la tester de façon concrète dans l'atelier du 29 avril. D'ici là, vous pouvez donc relire les diapos peut-être avant l'atelier et consulter aussi la recherche en question qui est en ligne. Oui, qu'est-ce que demain? Ah, demain, ok. C'est l'entretien de recherche. En fait, c'est un retour sur l'entretien de recherche que vous avez fait, sur les rapports que vous avez remis. Donc, c'est dans 10 jours, vous avez la partie pratique de ça, et demain, c'est en fait le retour sur ce que vous avez remis avant les vacances. Pardon? Non, les copies ne sont pas intégralement disponibles demain, mais par contre, vous allez avoir un retour sur l'exercice de l'entretien que vous avez pratiqué. Ça va? Bonne soirée.